Les leçons du Collège de France. Bien, bonjour tout le monde. Merci d'être là en dépit des difficultés. Alors, la semaine dernière, nous en étions restés au constat que le bon daimon et la bonne fortune étaient respectivement l'action divine pourvoyeuse de bienfaits et son accomplissement au sens de la concrétisation de cette action divine dans la vie des humains. L'image du couple formée par ces deux entités sur le relief athénien de l'acropole que nous avons analysée, mais aussi sans doute sur certaines inscriptions qui juxtaposent ces deux entités, exprime les deux temps d'un processus, de son activation à sa réalisation. Le cadre dionysiaque du symposium est un des arrière-plans d'une telle dynamique, mais il n'est pas le seul. Je vous renvoie à la première leçon où j'avais parlé de l'agathos daimon en contexte symposiaque. Le relief du Pirée, offert par Olympiodoros et sa famille à Zeus, Epitéleios, Philios, Aphilia et Agathe Tuké, a permis d'ouvrir la réflexion sur les relations entre Zeus et Agathos Daimon, puisque dans la dédicace du relief que je vous remets sous les yeux, le dieu est devenu l'époux d'Agathe Tuké. Et c'est à explorer cette configuration autour de Zeus que nous allons nous attacher cette semaine et la suivante, puisque vous avez vu que j'ai repris le même titre pour ce cours-ci et le cours de la semaine prochaine. Avant de revenir à Athènes, pour reconstituer le contexte probable du relief que vous avez sous les yeux, je voudrais faire un détour par la Béotie. Béotie, donc voisine de l'Attique par le nord-ouest, où des dédicaces à l'Agathos Daimon, contemporaine de ce que nous avons vu pour l'Attique, sont pleines d'intérêt et d'enseignement. Ainsi, mon premier exemple, une dédicace mise au jour dans la cité de Thespie et datée assez largement des 4e-3e siècles avant notre ère, rassemble, vous le voyez à l'écran, un homme et trois femmes dans un même hommage à l'Agathos Daimon, Agestrotos, Timocrateia, Toileia, Empedonica à Agathos Daimon. L'intérêt de cette inscription assez banale, j'en conviens aisément, est qu'elle est gravée sur la partie inférieure d'une stèle de calcaire, une stèle de calcaire brisée à droite qui porte un relief. Ce dernier, vous le voyez surtout sur le dessin parce que la reproduction est, je vous prie de m'en excuser, d'assez mauvaise qualité, mais sur le dessin, qui est fidèle, on voit le destinataire divin de l'hommage qui est assis sur un trône, tourné vers la droite et vêtu d'un manteau qui laisse le haut du corps dénudé. Cette figure masculine porte dans la main gauche ce qui ressemble à une corne d'abondance, mais je vous l'accorde, c'est assez difficile à identifier, mais bon, les éditeurs du relief l'avaient interprété ainsi et je les suis. La main droite s'appuie sur un sceptre dont le sommet a disparu. Alors, sur le côté du trône a été représenté un oiseau dont le sculpteur semble avoir voulu faire un aigle. Venant de la droite, un groupe d'humains s'avance, mais le groupe est évidemment mutilé par la cassure de la stèle. Donc, première pièce béotienne que je veux vous soumettre, et plus précisément encore originaire de la cité de Thespie. Et le relief peut être rapproché d'un autre petit relief en calcaire. Les pièces que je vous montre et que je vais vous montrer tout au long de ce cours sont très modestes. Un petit relief en calcaire trouvé à Thespie, nous dit la publication, donc c'est assez peu précis. Et le relief, puisqu'il ne porte pas d'inscription, est assez difficilement datable. Mais vous voyez qu'on retrouve une figure masculine assise sur un trône avec une fiale dans la main droite et une corne d'abondance dans la main gauche. Par une dédicace, qui est aussi une borne de sanctuaire, on sait qu'au IIIe siècle, à Thespie, le dieu, donc Agathos Daimon, cette entité que nous pistons maintenant depuis le début de ces leçons, avait donc un téménos, une enceinte consacrée, à Thespie ou alentour, parce que là encore, ce n'est pas évident de situer le téménos en question, et donc vous voyez l'inscription « Théophestos, fils de Daileis, à l'Agathos Daimon, a dédié cette enceinte », donc le téménos que vous avez dans le grec. Et en dessous, on le voit très bien sur la reproduction photographique de cette borne, qui était donc enchâssée dans le sol, vous avez donc ici la dédicace et ici l'indication Horos Yarou, donc Yarou, borne du sanctuaire. Et cette borne a été retrouvée en deux exemplaires. Donc elle marquait manifestement les contours de cette enceinte consacrée à l'Agathos Daimon. Avant de poursuivre le déploiement de ce dossier béotien, les documents que l'on vient de voir, tout modeste soit-il, permettent déjà de poser deux constats. Premier constat, à Thespie, Agathos Daimon fait l'objet de démarches dédicatoires proprement dites depuis la fin de la période classique au moins, et ces démarches pourraient s'inscrire dans le cadre d'un sanctuaire où les reliefs étaient dédiés, l'atteste la borne que vous avez sous les yeux. Deuxième constat, à Thespie toujours, Daimon peut assumer une apparence anthropomorphe, c'est le cas de ce relief, comme à Athènes sur le relief de l'Acropole. Les attributs spécifiques qui le caractérisent ont été puisés au registre des éléments qui sont généralement associés à la figure de Zeus, la figure masculine trônante avec le sceptre, la fiale ou la corne d'abondance qui est assez spécifique et l'attribut identifiant Zeus qu'est l'oiseau, l'aigle en l'occurrence. Donc voilà ce que je peux tirer déjà de cette première approche du dossier béotien. Toujours en Béotie, je vous ai dit qu'on allait y rester un bref moment avant de retourner à Athènes. Toujours en Béotie, mais à Lébadée, qui était le siège d'un oracle très réputé du sanctuaire du héros Trophonios, on a mis au jour une dédicace du IVe siècle. Donc vous voyez qu'on se situe dans ce créneau chronologique de la fin de l'époque classique, début de la période hellénistique. Et cette dédicace a été offerte par un certain Sosias. La voici. Donc Sosias, Daimoni Milikio, cette fois. Donc Sosias, O Daimon, Milikios, donc Meilikios en koiné. Donc vous voyez que le daimon n'est pas ici qualifié d'agathos, de bon, mais de melikios, de doux, de bienveillant. Je vais revenir sur l'épiclèse. Vous le voyez à l'écran, la stèle de marbre porte à la partie supérieure un omphalos brisé et sous l'inscription est représenté un serpent. D'autres objets du même type, toujours aussi modestes, ont été mis au jour à Lébadée et ont été publiés par Jean Genoré au début des années 40. Voilà les pièces en question, mais je vous soumets plutôt le dessin qui est plus explicite, afin de voir de quoi il retourne. Alors, ce sont donc, comme dans le cas de la dédicace de Sosias, de petites stèles avec omphalos pour certaines d'entre elles, dont l'éditeur faisait autant de phallus. L'interprétation phallique était très volontiers mise en avant dans la première moitié du XXe siècle quand on se trouvait face à ce genre de pièces. En fait, deux d'entre ces pièces sont des petits piliers hermaïques, vous le voyez aux tenons qui sont représentés latéralement, et le dessus de ces piliers, mais celui-ci est brisé et celui-ci n'est pas en très bon état, était sûrement, certainement surmonté d'une tête humaine. Et vous avez aussi donc, la représentation d'un sexe masculin avec les tenons et la tête humaine. C'est vraiment le prototype du pilier hermaïque. Donc, trois dédicants sont des hommes. Donc, vous voyez ici Hermaios, Matrophanès et Caloclidas, tandis que Philo est une femme. Sur ce genre de support, je ne vais pas m'apesantir sur la signification que l'on peut donner au support lui-même, si ce n'est que je viens de vous dire qu'il faut éviter les interprétations phalliques, on en est revenu. Mais pour cela, si vous souhaitez approfondir cet aspect, je vous renvoie à un livre récent de Millet Geifman qui s'appelle donc An Iconism in Greek Antiquity et qui fait le point sur ces dossiers. Enfin, pas sur le dossier béotien, c'est un dossier qu'elle n'a pas étudié, mais des dossiers du même type avec d'autres destinataires dans d'autres régions du monde grec, vous trouverez ce qu'il faut. Et je ne résiste pas au plaisir de renvoyer aussi à un article plus ancien, mais qui posait bien le problème des limites de l'anthropomorphisme, puisque vous voyez bien ici, nous ne sommes pas tout à fait dans une logique purement anthropomorphe. Face à cette série, je reviens donc à mes piliers de l'Ebadé, on voit clairement que le terme daimon choisi par Sosias, dans la première inscription avec le serpent que je vous ai montré, mais aussi par Hermaios, fils d'Aristoclias, par Philo, par Matrophanès, est structurellement équivalent au nom de Zeus dans la composition telle que l'a formulée Caloclidas. Vous voyez ici qu'Hermaios fait une dédicace au Daimon Meilikios dans des variantes dialectales. Philo s'adresse elle aussi au Daimon Meilikios. Matrophanè s'adresse lui au Meilikios sans autre détermination. Et enfin, Caloclidas s'adresse à Zeus Meilikios. Et effectivement, donc il y a une variation, si vous voulez, sur cette appellation d'un Zeus Meilikios qui peut aussi être sollicité sous les espèces du daimon, pourrais-je dire. Et effectivement, dans l'écrasante majorité des occurrences de l'épiclèse Meilikios, dans tout le monde grec, parce que c'est vraiment un cas remarquable dans sa transversalité, y compris ailleurs en Béotie et à Athènes, où nous allons bientôt revenir, le dieu Meilikios est Zeus. Et donc vous voyez évidemment pourquoi ce dossier m'intéresse autant. On a dans un même contexte géographique, à la même époque, l'Agathos Daimon, un Daimon Meilikios et un Zeus Meilikios, qui manifestement sont en interaction. Alors, l'an dernier, nous avons vu passer ce Zeus Meilikios dans une inscription de Célinonte en Sicile, inscription qui évoquait notamment, et à ce moment-là, c'est cela que j'ai mis en exergue, qui évoquait Zeus Euménès et les Euménides. Je vous avais montré ce fragment à cette occasion. Et c'est le contraste entre Euménès, enfin, ou plutôt la continuité, entre Ménès, Zeus Ménès et les Euménides qui m'avaient surtout retenu alors. Et cette réflexion s'inscrivait dans l'explicitation des mécanismes de déploiement des compétences de Zeus et la cristallisation, ceux d'entre vous qui m'ont entendu l'année dernière se souviennent que j'ai utilisé souvent ce terme, la cristallisation de telles compétences en des entités indépendantes. C'était ce jeu entre cette relation entre le dieu épiclésé et puis ces entités qui s'autonomisent en quelque sorte. On l'avait vu avec Zeus Euménès et les Euménides, Zeus Homonoios et Homonoia, je l'ai rappelé d'ailleurs dans le résumé du cours de l'année dernière que je vous ai donné fin janvier. Donc c'est cela qui m'intéressait à ce moment-là, mais vous voyez à l'écran que ce Zeus bienveillant, Euménès, s'accompagne dans l'inscription d'un Zeus doux, Meilikios. Alors, je ne vais pas entrer dans le dernier détail du profil du Meilikios, qui a déjà été abondamment étudié, et je ne vous donne ici qu'une toute petite partie de la bibliographie. Donc, vous voyez, je commence avec Arthur Cook, sur lequel j'aurai l'occasion de revenir, jusqu'au travail de Gérald Allonde en 2006. Donc, c'est un dossier qui est bien connu. Mais je préciserai, pour donner toute son envergure à mon propos, je dois évidemment entrer aussi un peu dans l'arrière-plan de cette épiclèse. Je préciserai donc que l'épiclèse exprime les dimensions contrastées d'un dieu qui contribue à la prospérité des familles ou des communautés au sens plus large que la seule famille. De ce point de vue, le Meilikios est véritablement un épithéléios ton agathon tel que nous l'avons défini la semaine dernière. Mais il n'est pas que doux. Il y a une légère ambiguïté derrière cette épiclèse, dans la mesure où l'action du dieu s'inscrit clairement, quand on l'appelle Meilikios, sur l'arrière-plan des dangers qui pèsent sur les communautés en un temps où la compréhension des événements naturels passe par la représentation d'une action divine associée à une responsabilité humaine. L'explication des catastrophes passe par le renvoi à une responsabilité, enfin à une action divine et une responsabilité humaine qui a enclenché cette action divine. Et l'expression de cette responsabilité humaine s'exprime, enfin, l'expression passe par la souillure, par la représentation d'une souillure dont celle du sang versé est la plus grave. Ainsi, et je reviens maintenant à Athènes après ce bref détour par la Béotie et par Célinonte, mais vous verrez qu'on reviendra à Célinonte dans un moment. L'un des sanctuaires attiques de Zeus Meilikios, qui en comptait plusieurs autour d'Athènes et autour du centre urbain et en son centre même, l'un des sanctuaires attiques du dieu était associé à la tradition du meurtre du brigand Sinis par le héros Thésée sur la route qui avait amené Thésée de Trézène à Athènes. Donc, Thésée en héros civilisateur, à l'instar d'Héraclès, avait en quelque sorte nettoyé la route allant de Trézène à Athènes de différents êtres peu accueillants, dont Sinis. Donc il les avait mis à mort, mais Sinis était aussi son parent. Et donc vous voyez que là, la souillure que génère n'importe quel meurtre, fut-il commandé par des impératifs de punition d'un brigand et d'actes répréhensibles, le meurtre est producteur de souillure, a fortiori si vous mettez un parent à mort. Et donc c'est une circonstance aggravante. Et grâce à Pausanias, une fois de plus, qui visite les alentours d'Athènes, nous sommes au livre 1, chapitre 37, il croise sur son chemin un sanctuaire de Déméter et de sa fille, et en même temps qu'elle, Athéna et Poséidon reçoivent un culte, nous dit-il, je lis avec vous. En cet endroit, Phytalos, dit-on, reçut Déméter en sa maison, en échange de quoi la déesse lui donna le plant de figuier, to phuton tes sukes. La preuve de ce récit, je la trouve dans l'épigramme inscrite sur la tombe de Phytalos, que je n'ai pas repris. Puis il poursuit son chemin. Quand on a franchi le Céphise, c'est-à-dire un des fleuves qui bordait, qui faisait en quelque sorte la frontière sud de l'Attique, il y a un antique hôtel de Zeus Meilikios. C'est là que Thésée reçut les rites de purification de la part des descendants de Phytalos, après avoir tué des brigands, et en particulier Sinis, son parent. Donc, le texte de Pausanias se place clairement sur cet arrière-plan. Donc, on voit que le meurtre de ce parent a généré une souillure dont Thésée doit se débarrasser avant d'entrer à Athènes. Un savant allemand de la première moitié du XXe siècle parlait d'une zone de quarantaine. C'est un peu ça. Vous ne pouvez pas amener avec vous la souillure que vous transportez après ce meurtre. Phytalos, le fondateur du génos, donc de la famille en question, dont le nom évoque la croissance des plantes, Je vous ai mis, quand on parle du plant de figuier, on a tophyton, et vous entendez dans le nom même de phytalos la référence à la croissance des plantes. Donc il était censé avoir accueilli Déméter, et comme la déesse lui avait donné le plant de figuier, il était crédité par les Athéniens d'être l'introducteur de la culture de la figue parmi les hommes. Alors cette tradition narrative étiologique, hein, nous sommes à nouveau, comme souvent, nous en avons lu beaucoup ensemble des textes de ce type-là, donc le texte explique l'origine de quelque chose. Cette tradition donc, narrative étiologique montre l'association entre le culte de Zeus Maïlikios et une famille, ainsi qu'on le soupçonnait dans la formulation du nom de ces cultes à Célinonte. Je reviens un bref moment. Vous voyez que, alors j'ai mis un point d'interrogation parce qu'effectivement la traduction est délicate, mais si je traduis donc à Zeus Eumenes un animal et aux Euménides un animal adulte et à Zeus Maïlikios dans alors, l'endroit, l'enceinte, le sanctuaire, la maison, on ne sait pas, on a juste le génitif en grec, de Miskos, on sacrifie un animal adulte et ailleurs dans l'inscription, on a aussi le Maïlikios dans l'endroit, la maison, le sanctuaire. De Euthydamos. Donc vous voyez que le Zeus Maïlikios est étroitement associé à une famille, comme manifestement dans le cas des Phytalides, dans le sanctuaire du Céphis. Et je pourrais vous montrer d'autres exemples encore, ailleurs dans le monde grec, ce que je n'ai pas le temps de faire. La tradition rapportée par Pausanias exprime également le lien entre le culte de Maïlikios et la Phusis, donc en tant que principe de croissance et de développement de la vie, donc qui se marque dans le nom même de la famille qui prend en charge la purification de Thésée. Donc vous voyez, autour du Maïlikios se jouent des questions très positives d'épithéléiaton agaton, pour reprendre l'expression que nous avons déjà vue passer, mais aussi ce rapport à la menace latente qui pèse sur le bien-être des communautés. Dans les représentations des anciens, donc la souillure du sang versé surtout est particulièrement épidémique et peut affecter durement et durablement la vie d'une cité. Et l'inscription de Célinonte dont vous avez un tout petit morceau sous les yeux, tout un petit passage sous les yeux, est traversée par de telles préoccupations qui engagent la survie de la communauté civique par l'intermédiaire des familles qui la composent. Le texte sicilien est en fait la version normative, je vous ai souvent parlé de ces normes rituelles, ces textes prescriptifs en matière de rituels, eh bien, le texte de Célinonte est la version normative et donc rituellement prescriptive de ce qu'au même moment à Athènes, parce que les textes sont contemporains, Eschyle raconte poétiquement dans les Euménides la tragédie qui referme la trilogie de l'Orestie. Vous vous souvenez de l'enjeu, les Erinnyes qui n'ont pas encore été apaisées et transformées en Euménides, ces Euménides que nous avons ici sur l'inscription, menacent la cité et menacent Athéna elle-même, ce qui est une manière de menacer Athènes, bien sûr, de frapper ses récoltes, de stériliser la terre, de frapper les petits des animaux comme les petits des hommes, au nom du matricide commis par Oreste, s'il n'est pas puni. Donc vous voyez à nouveau la question de la souillure, et en l'occurrence aggravée du fait que c'est un matricide. La mise au jour de l'inscription de Célinonte atteste que les tragédies ne dessinent pas un monde imaginaire sans lien avec le réel, en dépit évidemment du caractère extrême des situations qu'elles mettent en scène dans leurs intrigues. La malédiction des Atrides ou des Labdacides étant évidemment le paroxysme de ce que l'inscription de Célinonte montre en mode mineur. Je reste un moment chez Eschyle. En effet, les menaces des Erinnyes à la fin de l'Orestie ne concernent pas que la fécondité des humains et la fertilité des terres. Quand Athéna, en tant que divinité tutélaire de la cité, menacée donc par les anciennes déesses qui sont furieuses de voir que Oreste a été acquitté, quand Athéna donc énumère les différents fléaux qu'elle ne veut pas voir s'abattre sur Athènes, elle évoque aussi, et je vous montre le passage, les aiguillons sanglants qui ravagent les jeunes poitrines, dont je lis la traduction de Mazon, et sans vain les enivre de folle fureur. Ne va pas, dit-elle à l'Erini à laquelle elle parle, comme on fait pour les coqs, attiser la colère au cœur de mes citoyens et mettre en eux cette soif du meurtre qui lance frère contre frère, en leur soufflant mutuelle audace. Vienne la guerre étrangère, toujours à la portée de ceux qu'anime un fervent désir de vraie gloire, mais fit des combats entre oiseaux de la volière, c'est-à-dire le cauchemar d'une cité. Ce n'est pas la guerre contre des ennemis extérieurs, c'est ce que les Grecs appellent la stasis, c'est-à-dire la guerre civile, le frère contre le frère. Et ce que Mazon traduit par « soif de meurtre qui lance frère contre frère », je vous l'ai mis en grâce dans le texte, c'est l'arès emphulios, c'est-à-dire l'arès familiale, la puissance du dieu qui se nourrit du conflit et déchire les membres d'une communauté. Donc c'est vraiment le cauchemar de la stasis. Et donc vous voyez que les Erinyes, dont Athéna entend contrer l'action négative, ne sont pas uniquement concernés par des problèmes de récolte ou de stérilité des femmes. Il y a aussi cet arès emphulios qu'il faut anticiper. Et le contraire de cet arès-là, c'est la philia. La philia, l'attachement réciproque, tel que la promeut Zeus Philios, ou encore, comme à Mytilène où nous sommes passés la semaine dernière, l'homonoïa, la concorde, patronnée par Zeus Homonoios. Et donc, vous voyez ce contraste où les calamités que un Zeus Meilikios est censé arrêter, dont il est censé protéger la communauté, ne sont pas que des questions d'alimentation, j'ai envie de dire. C'est aussi l'avenir même de la communauté dans toutes ses composantes qui est en jeu. C'est donc pour protéger des dangers violents qui menacent la survie des familles, des lignages, des cités, qu'est invoqué Zeus Meilikios, plus ou moins explicitement selon les contextes. Alors évidemment, les meurtres tels que le matricide d'Oreste ou la mise à mort de Sinis par Thésée, ce sont des paroxysmes. Mais que peut aussi susciter la guerre civile, au sein d'une même cité. Et on voit bien que certaines fêtes dans le calendrier des cités, notamment à Athènes, anticipaient ce problème en purifiant la cité de façon régulière, en anticipant en quelque sorte sur les problèmes. Ainsi, à Athènes, on sait par tout un dossier que la toison d'un animal sacrifié à Zeus Meilikios et Zeus Ctésios, selon certaines sources, et je reviendrai sur Zeus Ctésios, était utilisée dans le cadre donc, de fêtes dont certaines composantes touchaient à la purification de la communauté. Donc vous voyez nettement ce lien inscrit dans le calendrier athénien entre Zeus Meilikios et la purification de la cité. Donc ce n'est pas uniquement une question de tradition narrative concernant des meurtres ancestraux. C'est vraiment dans le rythme régulier de la vie des fêtes athéniennes. Alors, sur cet arrière-plan, on perçoit que les dédicants à l'origine des monuments au dieu Meilikios mettent l'accent sur les déséquilibres, les risques en tout cas, de déséquilibres vitaux et sur la manière de les anticiper ou de les contrer. Alors, le modeste dossier béotien que je vous ai montré, regroupant les piliers dédicatoires que nous avons vus il y a un instant, donc associe la notion de daimon à cette fonction de Zeus comme Meilikios et par ailleurs habille l'agathos daimon, des attributs généraux du dieu de l'Olympe. Les interactions sont donc évidentes entre cette déclinaison du destinataire des offrandes et j'ajouterai à ce dossier, en revenant encore un instant, mais aussi, deux dédicaces qui datent de la même période où on voit que Zeus Meilikios est associée à une figure féminine qualifiée de Melikia, la douce, la bienveillante, en un couple qui n'est pas sans faire penser à l'Agathos Daimon et l'Agathé Tuké. Donc vous voyez qu'on a là un faisceau d'éléments qui montre les interactions entre tous ces éléments et qui installe décidément Daimon au cœur d'une pratique rituelle, ce qui est évidemment toujours mon objectif sous-jacent. Il est dès lors temps de revenir à Athènes, à la démarche d'Olympiodoros, honorant Zeus Epitéleios Philios, le fils de Philia et l'époux d'Agathé Tuké, afin d'en saisir le contexte. Alors, ce relief athénien, je vous en ai déjà plusieurs fois parlé, mais je ne l'ai pas encore remis dans son contexte topographique. Il a été découvert au Pirée, sans plus de précision. Malheureusement, les fouilles archéologiques par le passé n'avaient pas le degré de précision et d'exigence de précision qu'ont les fouilles d'aujourd'hui. Par ailleurs, en 1878, lors de travaux routiers, une petite dizaine de dédicaces à Zeus a été mise au jour dans la région rocheuse, le long de la côte, entre le bassin de Mounikia et celui de Zéa. Ce sont donc deux bassins du port du Pirée, dont vous avez une carte ancienne ici, sous les yeux. Alors, quand la route entre les deux bassins a été construite à la fin du XIXe siècle, on a mis au jour toute une série de reliefs dans un paysage dont malheureusement l'urbanisation terrifiante d'Athènes depuis plus d'un siècle empêche aujourd'hui de voir quoi que ce soit. On doit donc se fonder sur les dessins du vieil atlas von Hatten de Curtius et Kaupert, dont vous avez ici quelques images. Bon, qui valent ce qu'elles valent, mais on voit, et c'est ça surtout qui m'intéresse, qu'il s'agissait manifestement d'un sanctuaire à ciel ouvert, avec des niches creusées dans la roche, dans lesquelles il faut imaginer, parce que nous en sommes évidemment aujourd'hui réduits à l'imaginer, que les reliefs étaient encastrés. Il faut un peu d'imagination pour voir ce que cela donnait. Donc le dieu, enfin Zeus, y avait manifestement un sanctuaire, avec donc ses niches et les reliefs offerts par les fidèles. Dans la lignée du relief donc, que l'on vient de revoir, celui du Zeus Epitéleios Philios, un autre relief, et là je vais vous montrer le dossier de ces pièces qu'il faut donc chaque fois imaginer encastrées dans cette roche brute, un autre relief s'adresse à Zeus Philios aussi, date de la même période, 4e-3e siècle. Et c'est d'ailleurs la date de tous les reliefs que je vais vous montrer. Donc vous voyez ici la représentation d'un Zeus, puisque l'inscription atteste que le destinataire est bien Zeus Philios. Donc vous voyez Munion, une femme, peut-être avec sa fille, mais vous voyez que le dessin est très généreux en termes de précision. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est la représentation ici de Zeus, donc un Zeus barbu, du même type de celui que nous avons rencontré en Biocie, à Thespie, tenant manifestement un sceptre de la main gauche, sceptre qui était sans doute peint sur le relief, puisque, il faut bien l'imaginer, ces reliefs étaient peints. Un autre relief trouvé lui aussi au Pirée, vous l'avez ici à côté, je les ai mis l'un à côté de l'autre pour vous montrer la proximité de la figure du destinataire. Donc, c'est un même type de destinataire, mais cette fois-ci, c'est un groupe familial dans sa totalité qui l'approche. Vous avez ici une femme à genoux, ce qui est assez rare dans les reliefs dédicatoires grecs, qui touche donc dans une attitude de supplication. Vous avez donc probablement ici une figure masculine, la famille, le serviteur qui tient l'animal sacrificiel et manifestement une servante qui tient le carton, enfin, c'est pas un carton bien sûr, mais la boîte contenant les impedimenta de l'opération rituelle qui va avoir lieu, enfin qui est en tout cas rappelée par ce relief. Alors ce relief malheureusement ne porte pas d'inscription. L'inscription était probablement rendue en peinture, comme le sceptre du dieu. Mais par le choix du trône et du sceptre, plutôt que le banquet couché et la corne d'abondance, puisque vous avez chaque fois un filios, or l'inscription d'Olympiodoros, c'est Epithéléios filios, par le choix donc, du trône, du sceptre, plutôt que le banquet couché et la corne d'abondance, c'est évidemment le Zeus trônant de l'Olympe que la dédicante, Mignonne, a choisi pour figurer le Zeus filios qu'elle honore. Alors, sur un autre relief fragmentaire de la même période, dont je n'ai qu'une représentation très médiocre, un certain Hermaios s'adresse lui aussi à Zeus Philios, dans la même attitude de prière, avec la main droite levée, et le Zeus était manifestement trônant avec sceptre également. Ainsi, ces reliefs adoptent l'épiclèse Philios que l'on trouve sur l'offrande d'Olympiodoros, de sa femme et de sa mère, tout en l'inscrivant dans le schéma iconographique du dieu trônant et non du banquet couché. On voit bien qu'ici, le destinataire partage cette épiclèse de Philios, mais le type iconographique choisi rend le relief d'Olympiodoros tout à fait particulier. Il a fait un choix iconographique du banquet couché qui, s'il est bien attesté, on va le voir dans un moment, s'il est bien attesté, comme on l'a vu la semaine dernière, c'est un motif qui est bien attesté pour les héros, mais dans le cas du Zeus Epithéléios Philios, c'est vraiment un choix qui a été fait par le dédicant, choix qui est original. Donc vous vous rappelez cette corne d'abondance, et alors on a une autre corne d'abondance sur un relief qui provient du même endroit, toujours ce pyrée un peu vague. Cette fois-ci, c'est une femme, Aristobolée, enfin, comme Mignonne dans le cas de Zeus Philios, mais vous voyez que là où on a le Zeus trônant, avec cette fois une corne d'abondance sans l'ombre d'un doute, avec donc la famille, l'animal, la boîte avec le matériel nécessaire au pique-nique, vous avez donc cette Aristobolée qui fait une offrande. Alors, on ne voit pas surgir cette fois-ci Zeus Philios, mais bien Zeus Meilikios. C'est évidemment ce lien qui m'intéresse tout particulièrement. Donc le destinataire n'est plus Zeus Philios, mais Zeus Meilikios que l'on vient de rencontrer en Béotie. Ce relief, donc, vous le voyez, donc on a le cortège familial qui est assez classique. Hein, on est dans le même type iconographique que celui-ci, sauf l'attitude de la femme, avec ce choix donc de la corne d'abondance. Alors évidemment, on voit bien dans la confrontation entre ce relief et celui de l'Olympiodoros, je vous ai mis les deux Zeus ici, l'un à côté de l'autre, on voit bien la distinction du motif dans sa généralité, banquet couché d'un côté, Zeus trônant de l'autre. Mais vous avez donc ce partage de la corne d'abondance et, je vous répète, ces reliefs viennent du Pirée. Donc, le choix de représenter une corne d'abondance. D'un côté, on a un Zeus Epithéléios Philios, de l'autre, un Zeus Meilikios, avec entre les deux donc, le Philios tout seul qui fait en quelque sorte la jonction. Alors, parmi les trouvailles dont on pense qu'elles proviennent également du sanctuaire de la région du Pirée, figurent d'autres reliefs au nom de Zeus Meilikios. Je dirais même que c'est le dieu qui apparaît, dont le nom apparaît le plus souvent dans les inscriptions qui viennent de cette région. Ainsi, encore une fois, ce relief, un relief avec le Zeus trônant devant un autel, la fiale et le sceptre à la main, et on a donc Aristarché qui fait cette offrande au Zeus Meilikios. On voit bien ici que les types iconographiques paraissent interchangeables entre le Zeus Philios et le Zeus Meilikios. Mais ce n'est pas tout. En effet, deux reliefs fragmentaires du Pirée à Zeus Philios, dont je n'ai malheureusement pas de reproduction, représentent le destinataire de l'offrande sous la forme d'un serpent. Donc, Zeus Philios, on a deux exemples d'une représentation qui présente un serpent. Ça doit ressembler à ce genre de choses. Et donc, vous avez sous les yeux cet impressionnant relief du Pirée. Enfin, non, le relief n'est pas impressionnant comme tel, c'est le serpent qu'il représente qui est impressionnant. Donc cet impressionnant serpent aux anneaux entrelacés, avec une espèce de barbichette qui ne correspond à rien dans le contexte de l'herpétologie. Et donc c'est une création du sculpteur du relief, ce serpent à barbichette. Et donc ici, vous voyez clairement sur la stèle dont je vous ai mis à la fois la photo et le dessin, que ce relief s'adresse à Zeus, mais il est Kyros. Alors, on n'a pas de Zeus trônant, on n'a pas de sceptre, on n'a pas de fial, on a un serpent. De la même région, pour vous montrer que ce n'est pas un cas unique, on a aussi ce relief malheureusement brisé, dont on est sûr du destinataire, et à nouveau, on a ce serpent. Alors, il est difficile de savoir s'il ouvre la gueule ou bien s'il est lui aussi affublé de cette espèce d'appendice barbichette. Et vous avez ici le dédicant qui apparaît, peut-être suivi d'autres. La cassure ne permet pas de le savoir. Alors, à ce dossier, j'ajoute ce remarquable relief qui est conservé à Berlin. Malheureusement, il ne porte pas d'inscription, mais il provient aussi de la région du Pirée et il est probable qu'il est attribuable aussi à Zeus Meilikios, même si vous voyez que Gérald Lalonde, qui a réuni le corpus de ces reliefs, indique ici un point d'interrogation précisément parce qu'on n'a pas l'inscription. Et il est vrai que parfois les inscriptions peuvent effacer les hypothèses que l'on ferait a priori si on n'en avait pas. Mais ici, vous voyez qu'on est dans un cadre qui est balisé par d'autres pièces. Alors, donc, à cela s'ajoute, et cela permet évidemment de penser raisonnablement que ceci est un relief pour Zeus Meilikios, s'ajoute cet autre relief très ressemblant de la même période, avec une dédicace qui ne souffre aucun doute. Donc, c'est Aristoménès, qui est sans doute représenté ici avec sa famille, qui fait cette offrande au Zeus Meilikios, et on a à nouveau cet immense serpent enroulé avec l'appendice sous le menton. Oui, un détail quand même important, c'est que ce relief-ci semble avoir été mis au jour du côté de l'Ilissos. Donc, il pourrait être associé à un autre sanctuaire de Zeus Meilikios, mais à partir du moment où le type iconographique se retrouve, évidemment, sur les différents reliefs, on voit bien que le type iconographique est associé au dieu et pas nécessairement au sanctuaire du Pirée uniquement. On voit là une possible mise en série. Alors, toujours dans la région du Pirée, je vous ai dit que décidément l'identification était parfois difficile, toujours dans la région du Pirée, de la région du Pirée provient ce relief au serpent, à nouveau, vous voyez les mêmes caractéristiques que ce que nous venons de voir, mais Héracléides a eu la mauvaise idée de le faire inscrire simplement au nom du Théos, donc Héracléides au Dieu. Malheureusement, il n'a pas déterminé le dieu dont il s'agissait. Alors, s'agit-il de Zeus Philios, de Zeus Meilikios ? Nous ne le savons pas, mais ce qu'il m'importe de vous montrer ici, c'est évidemment le type iconographique à nouveau, originaire de ce coin du Pirée. Alors, encore une pièce qui nous vient de Corfou. Alors vous me direz, mais pourquoi Corfou ? Parce que, vous savez, les reliefs, ça voyage. Dès l'Antiquité, ils voyageaient. Et puis, pour ne rien dire d'une forme de trafic des Antiquités qui remonte haut dans le temps. Et donc, pour des raisons stylistiques et onomastiques, donc le nom des Gézo, la femme qui a procédé à la dédicace, il est à peu près certain que ce relief vient d'Athènes. Et vous voyez donc à nouveau une dédicace au Zeus Meilikios, mais cette fois, vous avez la combinaison des deux types iconographiques. Vous avez le Zeus trônant avec la fiale et le sceptre, et à côté du rocher sur lequel il est assis, vous avez ce serpent enroulé et une autre tête de serpent qui surgit de l'autre côté du siège. Donc vous voyez ici le mélange des deux types iconographiques, puisque ce relief mêle la figure anthropomorphe du dieu et celle du serpent, quel que soit d'ailleurs le sanctuaire attique du dieu dont le relief provient. Mais ce qui m'importe, encore une fois, c'est de voir l'association entre Zeus Meilichios, le Zeus trônant, et le serpent. Donc on a une association entre la figure divine et l'ophidien, qui, sur les autres reliefs où il est seul, prend la place du destinataire divin de l'offrande. Parce que c'est ça, évidemment, qui est tout à fait remarquable sur ces reliefs, c'est que, où le serpent apparaît tout seul, c'est qu'il a véritablement pris la place du destinataire. Donc, vous imaginez sans mal à quel point cela a fait fantasmer, je vais y arriver dans un instant. Alors, j'ai déployé ainsi devant vous la partie la plus significative du dossier documentaire qui permet de mettre en contexte l'intéressante dédicace d'Olympiodoros. Et j'en profite d'ailleurs pour attirer votre attention sur le fait que Olympiodoros, ça veut dire cadeau de l'Olympien. Donc rien que dans son nom même, il y a une référence à Zeus. Donc Olympiodoros et sa famille. En effet, on peut faire l'hypothèse que les différents reliefs trouvés au Pirée proviennent du sanctuaire de Zeus entre le port de Mounikia et celui de Zéa. Je vous remets la carte sous les yeux. Et pour être complète dans la présentation de cette problématique et pour complexifier encore le dossier, je dois ajouter que le sanctuaire à ciel ouvert de Zeus en ce lieu était proche de l'Asclépieion du Pirée. Cet Asclépieion qui est très célèbre dans la mesure où il est attesté déjà dans le Ploutos d'Aristophane, qui évoque l'incubation que ces personnages ont faite au sanctuaire du Pirée. Et donc le sanctuaire remonte à la fin des années 420. Et de ce sanctuaire d'Asclépios au Pirée, qui se trouvait, vous voyez, assez proche, dans la même zone entre le port de Zéa et de Mounikia, le sanctuaire du Pirée, d'Asclépios au Pirée, a aussi produit toute une série de reliefs, et un des plus célèbres, sans doute, présente une scène d'incubation, donnant quasiment une illustration au texte d'Aristophane. Un autre représente le dieu et les divinités qui lui sont associées, dont Hygie, la santé, dont je vous fais remarquer que dans ce sanctuaire, elle est son épouse, ainsi que l'atteste ce mouvement de la main et du voile dont nous avons déjà parlé la semaine dernière, scène de dévoilement. Provient de ce sanctuaire aussi une scène de procession sacrificielle qui montre une famille telle que nous en avons vu déjà dans les reliefs précédents. Et le déhanchement, là vous devez me faire confiance, le déhanchement du dieu, le fait qu'il est appuyé sur un bâton, atteste que nous avons affaire à Asclépios. Et vous voyez, évidemment c'est ça qui m'intéresse, derrière le dieu se trouve un serpent aussi grand que lui qui déroule ses anneaux. Donc ici, alors que jusqu'à présent nous avions vu le serpent gigantesque comme seul destinataire, ou des serpents comme attribut d'un Zeus trônant, ici vous avez donc une espèce d'équivalence visuelle entre le dieu et le serpent. Et l'Asclépieion du centre-ville, au flanc sud de l'Acropole, qui a livré beaucoup plus de reliefs encore que celui du Pirée, fait figurer aussi des serpents sur ces reliefs, mais sans atteindre l'ampleur de celui-ci. Je vous donne un exemple qui vient du centre-ville, aussi pour attirer votre attention sur le fait que là, dans ce contexte spécifique, iconographique spécifique, la présentation du dieu est extrêmement proche de celle d'un Zeus. On voit bien qu'il y a une porosité des types iconographiques en fonction des dieux. Et c'est la figure d'Hygie qui est bien connu, bien attesté sur d'autres reliefs de ce type, qui permet d'être sûr que nous avons affaire à un Asclépios. Et vous voyez à nouveau un serpent à côté du siège. Et dans le Ploutos d'Aristophane, on a cette scène remarquable où le dieu se promène, enfin dans le récit du rêve des incubants, le dieu se promène parmi les malades et ce sont deux serpents qui viennent les soigner. Donc on voit bien que cette iconographie est extrêmement associée aussi à la figure d'Asclépios. Alors, et voilà une comparaison pour vous montrer que, décidément, entre un Zeus Maïlikios et un Asclépios, d'un point de vue iconographique, on est très proche. Alors, la mise au jour de tous ces documents remonte pour une large part à la fin du XIXe siècle, ce qui implique une certaine confusion, voire une confusion certaine, dans l'identification de l'origine de ces pièces, à tel point que le plan de Curtius, dans les années 1880, associait encore les niches des reliefs pour Zeus avec l'Asclépieion, considérant à titre d'hypothèse que les sanctuaires étaient étroitement reliés et il les situait ici. Voyez. Alors, cette hypothèse a été rapidement écartée, mais la question de l'origine de certains reliefs reste marquée par ce flottement, une sorte de péché originel dans ce dossier. Ainsi, dans un ouvrage de 2002 sur la sculpture au musée archéologique d'Athènes, un des reliefs au serpent que nous venons de voir passer, celui dont le destinataire est simplement le dieu, est indiqué comme provenant de l'Asclépios, de l'Asclépieion. Donc vous voyez ici, found in the Asclepieion Piraeus. Lalonde trouve cela peu convaincant. Je partage son scepticisme quand on fait la généalogie de cette découverte. C'est manifestement un relief qui faisait partie de ceux qui ont été mis au jour près des niches. Mais vous voyez que le flottement est toujours bien présent. Alors, même si l'association entre Asclépios et les serpents bénéfiques de ces sanctuaires est étroite, et dans une certaine mesure le caducé des médecins aujourd'hui, certains insignes de pharmacie en gardent le souvenir, les stèles dédiées au Maïlikios avec l'image d'un serpent, que ce soit en Béotie ou en Attique, attestent que cette relation n'est pas exclusive. Il faudra néanmoins s'intéresser à la signification respective de ces animaux qui apparaissent surtout dans l'orbre de Zeus et d'Asclépios, mais ça, ce sera pour la semaine prochaine. Je reviens, et je vais conclure, je reviens à Zeus. Inutile de vous dire que depuis sa mise au jour à la fin du XIXe siècle, cette série de reliefs du Pirée, associés aux Zeus Maïlikios et Philios, a connu des interprétations variées. Les serpents ont toujours eu un pouvoir fantasmatique sur ceux qui les interprétaient. L'un des premiers à s'être penché sur ces pièces aux serpents fut Paul-François Foucart, en 1883, donc vous voyez qu'on est tout juste après les travaux de la route entre les deux ports du Pirée qui ont mis au jour ces reliefs. Et donc dans un article paru dans le bulletin de correspondance hellénique, et Paul-François Foucart rassemblait les 9 pièces mises au jour donc, au cours de ses travaux. Et il les rapprochait de la dédicace à Aristarché au Zeus Maïlikios, qui était à l'époque déjà dans une collection privée, mais dans cette collection privée, il était indiqué que cette pièce provenait du Pirée. Alors, Foucart, en 1883, résistait fortement à l'idée qu'un dieu grec pût être figuré sous la forme d'un serpent. Mais il devait bien reconnaître, ce que j'ai souligné tout à l'heure, que l'animal prenait la place du Zeus Maïlikios sur l'objet et n'était pas seulement un vague attribut. Et il en concluait, Foucart, que le dieu de ce sanctuaire n'était pas le Zeus grec, mais un Baal sémitique dont Milikios retranscrirait la forme Milik, Melek ou Moloch. Vous voyez bien dans quelle direction on va. Et l'affaire était ainsi résolue, une telle incongruité iconographique ne pouvait être le fait que d'une association composée d'étrangers ou d'esclaves. Nous sommes en 1883. Le miracle grec est encore bien présent et les Grecs rationnels ne peuvent pas assimiler Zeus et un serpent. Donc c'est du côté des esclaves ou des étrangers qu'il faut aller chercher, c'est tout à fait typique. Quant au savant chercheur anglais de la dite école de Cambridge, il repoussait une telle figuration non pas aux marges de la Grèce comme le faisait Foucart, mais dans les brumes d'un passé primitif. Et je vous remets sous les yeux la photo de Jane Helen Harrison dont je vous ai parlé l'année dernière. Et Jane Helen Harrison, qui a des remarques très très intéressantes sur ces pièces, mais refusait de suivre l'interprétation de Foucault, donc elle refusait d'aller du côté de l'Orient étranger, et voyait l'origine de cette figuration dans le culte d'un héros ancestral ou d'un esprit auquel Zeus serait venu se substituer, tout en conservant certaines des traces du passé. Un collègue de Harrison, que j'évoquais tout à l'heure, Arthur Bernard Cook, allait bientôt publier son monumental ouvrage, ça prend cette place-là sur un rayonnage de bibliothèque, intitulé donc Zeus, a Study in Ancient Religion, vous voyez en trois volumes, qui eux-mêmes sont divisés en différents tomes. Lui associait Zeus Meilikios à un défunt du passé, comme Harrison, qui aurait continué à accorder ses bienfaits à la maisonnée où il aurait été enterré et auquel Zeus aurait finalement prêté son nom. Donc vous voyez chaque fois une volonté de projeter dans un passé non daté ce genre de choses. Quelques décennies plus tard, Martin Nielsen, dans son manuel de la religion grecque, associait Meilikios et Philios, que nous avons croisés aussi, mais aussi au Ctésios, dont je vous ai dit que j'allais y revenir. Ctésios, c'est le Zeus de l'acquisition, du patrimoine. C'est ça que signifie son épiclèse. Nielsen les réunissait dans la catégorie englobante de dieux domestiques, conçus sous la forme d'un serpent lui aussi, puisqu'il disposait déjà de cette pièce dont vous voyez qu'elle vient de Thespie, et nous avons décidément un pont entre l'Attique et la Béotie de ce point de vue. Et vous voyez ici un pilier du même type de ceux que nous avons vus tout à l'heure, mais non plus avec un Meilikios, mais le Zeus Ctésios au génitif. Donc, appartient à Zeus Ctésios, avec là aussi un serpent enroulé. Alors, pour Nielsen, ce serpent aurait été féminin à l'origine, puisque les origines doivent toujours être féminines, voire maternelles. Ça fait partie des fantasmes bien ancré dans l'esprit humain, et puis masculin, quand l'ordre de Zeus se serait imposé. Alors, vous aurez reconnu sans peine les différentes grilles de lecture inspirées par l'obsession des origines qui caractérise nombre d'études sur la religion grecque. J'ai déjà eu l'occasion de vous en parler l'année dernière à propos du daimon, et donc entre la fin du XIXe siècle et le milieu du XXe. L'origine, censée fournir l'explication derrière un motif, et soit exotique, c'est le cas de l'explication de Foucault, soit elle est primitive, et surgissent alors les dichotomies qui opposent les figures des esprits et autres démons pré-olympiens dissimulés derrière l'éclat des dieux de l'Olympe sublimés par Homère. C'est le grand partage entre le chthonien, terrestre, noir, humide, féminin, et l'olympien, céleste, lumineux, sec et masculin, que l'historiographie des dernières décennies a profondément remise en question et que nous continuons d'interroger. Alors, je ne m'appesantirai pas sur ce point qui est bien connu, mais je vous donne rendez-vous la semaine prochaine afin de partager avec vous l'interrogation sur le choix du serpent, précisément, pour exprimer quelque chose de la puissance de Zeus Meilikios ou de Zeus Philios, avec évidemment toujours en ligne de mire cet Agathos Daimon que je piste depuis maintenant un certain temps. Et je conclurai alors sur ce dossier bien précis. Merci pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.